pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous proposez un anti-manuel de philosophie. Tout part, Adèle, d'une prise de conscience. Je me suis rendu compte de l'existence de toutes sortes de manuels pour bien vivre. Qu'il s'agisse de livres, de chroniques ou d'articles, les philosophes sont eux aussi convoqués pour nous guider au quotidien, mais surtout pour l'améliorer. Prendre son temps, savoir dire non, appréhender autrement le réel, réapprendre à contempler, cultiver sa fragilité, ne plus viser la perfection, etc. Vous aurez toutes les clés pour mieux vivre, validées et approuvées par les plus grands penseurs. Est-ce que j'ai raison de percevoir un doute ou un trouble de votre part? Mais complètement, Adèle, car tout cela me dépasse. Ce qui me dépasse, ce n'est pas de réduire la pensée des philosophes à quelques usages, peut-être simplifiés et tronqués, mais après tout, pourquoi pas? Ceux-là aident bien à vivre et font à leur manière du développement personnel. Non, ce qui me dépasse, c'est de fonctionner uniquement par mantra, conseils et principes. Et pire, ce qui me dépasse, c'est de proposer de déconstruire des injonctions d'urgence, de perfection ou de rentabilité par des injonctions certes contraires, mais des injonctions quand même. Non, je n'ai pas envie de cultiver ma fragilité. Non, je ne veux pas réapprendre à contempler le monde. Non, je ne veux pas positiver l'échec. Et en premier lieu, non, je ne veux pas prendre mon temps, car comme on l'entend partout, il paraît que... Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les filles, les flics, les flics, ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Non, ralenti, respire. Respire, ralenti, respire, respire, j'ai dit ralenti, respire, respire, ralenti, respire. Si t'as du mal à suivre, t'es bienvenue dans les coups, on les petits, un c'est le cirque. Tout va trop vite, tout s'accélère, tout se fait dans l'urgence et rien ni personne ne peut attendre. C'est le constat que chacun d'entre nous pourrait faire. On a perdu le sens des priorités, notre attention est sans cesse sous pression, le stress est désormais la chose au monde la mieux partagée. Face à cela, fleurissent donc les conseils pour prendre le temps. Prendre son temps, celui qui nous revient, qui nous permet de suspendre le cours des choses et de hiérarchiser les tâches à accomplir. Celui qui nous permet de nous retrouver et de remettre du sens à ce désordre. Mais est-ce que vous ne trouvez pas cela paradoxal? Comment prendre du temps alors qu'on en manque déjà? Comment ajouter une chose à faire parmi tout ce que l'on a déjà à faire? À quel moment de ma journée puis-je intercaler ma suspension du temps? Suivre sa respiration. On pense souvent qu'on n'a pas grand-chose à retirer et à apprendre d'un phénomène aussi familier, ordinaire et automatique que la respiration. Quelle erreur ! Il y a de grands bénéfices à prendre conscience de son souffle, conscience de sa présence, sans chercher à le modifier. Je vous sens pas très réceptive à Christophe Rondé. Pas du tout à la méditation. Mais voici ma question. À quel moment de la journée vais-je pouvoir prendre le temps de suivre ma respiration? À écouter les spécialistes de la méditation, souffler reviendrait littéralement à souffler. Et le faire provoquerait un changement, non pas dans le déroulé de ma journée, mais dans la manière de l'appréhender. Tout serait d'ailleurs une question de manière, de regard, d'attitude. Ne changez pas le monde et sa vitesse, changez plutôt votre rapport au monde et votre tempo. On a souvent tendance ainsi à opposer le temps du monde qui s'accélère à notre temporalité subjective. L'un serait objectif, non modifiable, implacable, quand l'autre serait malléable, plastique. À nous donc de nous soumettre à l'accélération infernale ou de nous en émanciper. À nous de faire en sorte de suivre le rythme ou de le freiner, de souffler ou pas. Mais là est le problème, c'est encore une chose à faire, encore une décision à prendre, encore une case à cocher, car il faut le dire, prendre son temps, résister au flot du monde, respirer n'est pas seulement dur, mais entretient l'illusion qu'on pourrait dominer la vitesse et le temps du monde. Ce n'est qu'un lapin avec une veste. Oh, et une montre. Oh, fermez, moustache. Je suis en retard, en retard, en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, hey, monsieur. En retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur lapin, attendez-moi. Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. Contre l'injonction à prendre son temps ou à le suivre parfaitement, voici donc ce que je propose, une sorte de troisième voie, être en retard. Ni suspension du temps, ni tempo millimétré, il faudrait développer toute une philosophie du retard. Car seul le retard permet de tout faire, tout en étirant le temps. Être en retard signifie bien que l'on a pris le temps, qu'on l'a étiré, qu'on en a profité. Mais il ne signifie pas qu'on est encore dans l'illusion de l'arrêter. Quand vous êtes en retard, vous regardez le temps filer, vous échappez, mais vous n'abdiquez pas, vous l'éprouvez. Et même mieux, vous lui faites un pied de nez et vous vous accordez le droit de l'allonger. Vous serez là lundi quand même à l'heure ou faut vous attendre après midi, midi et demi ? Je serai là sans faute Adèle. À l'heure, et j'ai de la chance, ma chronique est à la fin de l'émission, ça me laisse le temps d'arriver. Parfait, à lundi Géraldine, et d'ici là, on peut prendre le temps de réécouter votre chronique et ainsi se mettre en retard à son prochain rendez-vous.